5 A. 1. Bonjour, je viens de parler avec l'entraîneur. Finalement, on va faire l'entraînement à 11h et non plus à 10h. À samedi. 2. Allô? Rappelle-toi que dimanche prochain, on va faire la randonnée en forêt d'Irati. Rendez-vous à 7h à côté du pont. 3. Salut mon chou, c'est Martine. Désolée, mais impossible pour le dîner de vendredi. On se voit samedi. Bisous, bisous. 4. Allô, oui, bonsoir, c'est Bertrand. Dis donc, j'ai un problème avec ma voiture pour samedi. Tu peux me prendre? On va ensemble chez Quentin. 5. Bonjour, ici l'école de Samba. Votre professeur ne va pas pouvoir assurer le cours de mercredi prochain. Merci de votre compréhension. Au revoir. 6. Salut. Alors, ça tient toujours pour aller se faire un ciné jeudi prochain? Après, si tu veux, on va au resto. Tu me tiens au courant. Ciao.